Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Stéphanie Gagné est avec nous pour nous parler des sorties spectacles de la semaine. Audrey Tremblay vient nous parler de la nouvelle édition du Zone Campus. Et c'est à Assemblage requis tout de suite. Lundi 20 septembre, 7h12, bienvenue à Assemblage requis, c'est l'émission matinale en pièces détachées, c'est François-Olivier Marchand devant moi ici. Et c'est Mathieu Plante que vous entendez avec sa radieuse voix ce matin. Oh merci, merci, belle fin de semaine François. Grosse fin de semaine, oui, je me suis reposé, j'ai essayé du moins. Difficile des fois. Oui, pour passer, casser ma grippe. Ah, tu te soignes? J'essaye. Les oranges toujours, non? Oui, à temps partiel. Ah ouais, ben Colin. Et puis vous, Monsieur Plante? Belle fin de semaine aussi. Belle fin de semaine? Ben oui, rien de très mouvementeux. Mouvementeux? Mouvementeux. Tôt? Tôt? Tôt? Temps? Mouvementant. Mouvementeux, moi j'aime bien. On ne s'assinera pas là-dessus de niaiserie. Hein. Aujourd'hui, à l'émission, on va avoir plein de bonnes choses pour vous en ce lundi. On a, comme à toutes les deux semaines, Audrey Tremblay, la rédactrice en chef du journal Zone Campus, qui va passer nous parler du nouveau numéro qui sort en kiosque aujourd'hui même. Exactement. Une grosse qui est déjà en kiosque. Oui, déjà en casque. Une grosse controverse avec l'ASK et puis des nouvelles équipes pour les Patriotes, entre autres. Oui. Ouais. Aussi, à l'émission, on a Stéphanie Gagné pour faire le tour des sorties spectacles de la semaine. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal, espérons-le. J'espère, oui. On va voir CNX. Aujourd'hui, on va faire un petit tour de ce qu'on appelle l'Internet. C'est quoi ça, Mathieu? Nouvelle affaire. Des faits aussi, dans C'est un fait, on va apprendre plein de choses, dont des affaires sur les fossiles. Les fossiles? Pas les fossiles, les fossiles. Oh. Ça va t'intéresser? Ben, je sais bien. Toi? Moi, en fait, je vais vous parler d'un œuvre d'art créé par un poulet vendu sur, sur eBay. OK. Un peu plus tard. En fait, quelques nouvelles insolites aussi. Là. Intriguant. Intriguant. Intriguant, pas mal. On va commencer l'émission avec un classique pour nous deux. Pour nous deux. Pour nous deux. C'est notre chanson. C'est la nôtre, Mathieu. Voici Chad Van Galen et Willow Tree au 89.fr. C'est fou. Bonne journée. Ça part bien la journée. Ah. When I'm always late, you never afraid that we could be falling. All our friends would say that maybe we should wait, but they can't see what's coming. And to this day, when everything breaks, you are the anchor that holds me. And that is why we'll always make it. My favorite book. Ah, son la jockey. Hey, Mathieu, des écouteurs, ça sert à se mettre sur la tête. À l'endroit. À l'endroit. Avec le cerceau autour de la tête, c'est ça? C'est ce qu'on nous dit. François, et un petit peu d'actualité. Oui. Oui, hey, je vous parle d'une toile qui a été créée par un poulet qui est vendu sur eBay. Un poulet? Un poulet. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Eh ben, ben donc. Ben donc. C'est Wendy Thomas de Mary... j'ai de la misère ce matin. Ça paraît, ouais. Mary Mac. Il a créé une œuvre d'art en trempant les pattes du poulet dans la peinture et en le plaçant sur la toile. Ça fait... c'est joli, mais quand même le simple. La mise de prix... en fait, c'est ça, ils l'ont mis sur eBay. La mise de prix de départ est 9,99 tout ça en dollars américains. Et dimanche, en fait, hier, oui, elle atteignait 525 US. Et l'argent servira à reconstruire un parc pour les enfants. C'est bon à s'en lécher les pattes? C'est bon à s'en lécher les pattes, Mathieu. Hey, 525$ pour un poulet qui peinture. Hein? Ouais, mais n'importe quoi se vend dans le c'est monde. C'est du profit haut. Il y a un éléphant qui fait ses besoins sur une toile, puis ça se vend des millions. Mais une fois, j'ai été au zoo, puis en fait, l'éléphant, il vendait des toiles. Là. Il mettait un pinceau. C'était l'éléphant qui vendait, en plus. Ben non, mais c'est pas l'éléphant qui vendait, là. Non, mais c'est un monsieur qui ressemblait étrangement à un aîné. Ça, c'est une autre histoire. Ah, François. Ah, inacceptable, inacceptable. Donc, c'est ça. Allez voir ça. La peinture s'appelle Feu d'artifice emplumé. OK. 525$. C'est si vous le poulet qui l'a nommé. Ouais. Ouais. 525? Ouais. C'est pas si pire quand même. C'est pas si pire. Si toutefois vous trouvez ça cher, vous avez comme des moyens pour peut-être 300 ou 400$. Envoyez-moi un email, je peux vous en faire une. C'est abordable. Tu te trompes pas. Tu te trompes pas. Ah, et ça a pris un petit bout de temps, mais quand même. Ou au moins, elle a fait semblant. Faut pas que tu sois pressé. Non. Poulet pressé comme poulet tantôt, quand tu avais un poulet. Hey, 7h23, mon ami. Oui, 7h23, ça paraît, hein. L'assemblage requis, c'est l'émission matinale en pièces détachées. Mathieu Plante et François-Olivier Marchand. Tantôt, on va faire une chronique, c'est un fait. On va parler, entre autres, de la plus longue vidéo sur YouTube et de rhubarbe. De rhubarbe? Rhubarbe. Qu'est-ce qu'on fait avec de la rhubarbe? Ben, on s'empoisonne, apparemment. Ah oui? On le saura tantôt. Pour l'instant, on retourne en musique. Je dirais, écoutez une bonne vieille pièce de Wintersleep qui est dans le palmarès anglophone en ce moment même et qui est irrésistiblement bonne. Tel un poulet offert à Noël. Tel un poulet offert à Noël. Ben, cuit, là. Mais okay. C'est pas du poulet, c'est de la dinde. C'est de la dinde, c'est ouais. Ça. Fait que si tu veux faire des blagues... Hein? Hey, parlant de dinde, plus tard dans l'émission, on reçoit Roxane qui va venir nous parler de son émission et de sa collègue baroblique co-animatrice. Mamiche. Marie-Miel. Marie-Miel. Mamiche et Marie-Miel. Et Roxane Gagnon se la joue. Ouais, elle se la joue. On s'appelle de son nom de famille. Ouais. Trace Decay de Wintersleep. We'll be right back. assemblage requis est une présentation de la Banque nationale. I'll see tonight will be made up of origami. Tell the fellas, make it understood. It ain't no good if there's too much wood. Make sure you know before you go. The dance floor rojo ratio 5-1 is a rodeo. Test even like it's time to go. Wait outside all night till 5. 20 dudes in a conga line. Too many dicks on the dance floor. Easy to fix. Too many dicks on the dance floor. Spread out the dicks. Too many dudes with too many dicks. Too close to my shit. Too hard to meet chicks. I need better odds, more broad flesh rods. Too many men, too many boys, too many misters, not enough sisters, too much time on too many hands. Not enough ladies, too many men, not enough ladies, too many men, not enough ladies, too many men, too many men, too many men. Too many dicks on the dance floor. Too many dicks on the dance floor. Too many dicks. Too many dicks on the dance floor. Too many dicks. C'est comme une forêt. Too Many Dicks on the Dance Floor de Flight of the Conchords, c'est sur leur album le plus récent, I Told You I Was Freaky, à assemblage requis. François Ali Marchand. Oui. Mathieu Plante. Mathieu Plante. Mm-hmm. Et Roxane Gagnon. Et Marie-Michelle Dupuis. Oui. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Allez, ouais, chic. Ces deux filles-là vont animer On se la joue tous les mardis après-midi. Donc, bienvenue à vous. Bienvenue à C'est fou. Merci, bienvenue à vous dans votre propre émission. Oui, bienvenue. Merci, c'est merci vraiment. Roxane, c'est vraiment c'est touchant. C'est apprécié en ce moment. Ouais. Bon, à votre demande assez insistante, nous venons vous présenter notre émission On se la joue qui sera en onde dès demain 16h. C'est quoi ça, Marie? Roxane, On se la joue, ça va être une émission qui consiste en un ramassis de nos coups de cœur dans l'univers du indie rock. Ah oui! Quel genre de groupe allons-nous entendre, Marie? Des groupes du style Mumford & Sons et autres. J'ai comme un blanc, là. Alors, une heure de Mumford & Sons sera oui, c'est si ça, bon. C'est ça. tous les fils, un par un, on va tout présenter. Voilà. Un peu des ouais, fils voilà. De Mumford. Alors, Joe, Billy Bob. Biographie complète d'un groupe qui vient de commencer. Cool. Ça va être génial. Parfait. Alors, on se voit tous les mardis à 16h dès demain. Oui. Une heure de plaisir. Oui. Suivi d'une autre heure de plaisir et précédé d'une heure de plaisir aussi. C'est fou, c'est que du plaisir. Que du plaisir. Mais ben, ça culmine les mardis à 16h. Directement au top. Oh, oui. C'est comme l'extase. Wow. C'est ça. Donc, c'est ça. Mais merci, Marie-Michel. Avez-vous d'autres commentaires? Non? T'es beau. Ben, on a hâte. Oui, ben, c'est ça. Mais êtes-vous stressé? On est stressé, mon hâte. C'est sûr que la première émission, c'est toujours plus stressant. Et d'autant plus que là, personne ne parle. François, ça fait trois semaines, il est encore gêné, vous le voyez ici. Oui. Oui, oui, oui. Hey, mais, vous avez parlé d'un groupe, c'est quoi? Mumford & Sons. Mumford & Papas. Ouais, puis mais on veut un scoop là, quand même assemblage requis, on est fort ces scoops là, on veut un autre groupe là. The Cooks. Ouais. Voilà. Oh. Gaslight Anthem. Jamais. Connais pas. Ah, yeah. Malaise ici. Mm-hmm. Donc OK. Oh. Alors, vous avez l'air de vous amuser. Ouais, oui, ça s'amuse. Oui. Vous amusez pas vous? Oui. Oui. On aime ça créer des malaises, là. Aucun malaise. Aucun. Non? Ah non. Ça va venir. Là, il y en a-tu un? Too many dicks on the dance floor. Too many dicks. On the dance floor. On the dance floor. Hey, on va-tu écouter mon frère? Ok, ah, tu changes de. Ok, oui, c'est bon. Mais. Non. Hein? 7h34, c'est vous êtes toujours à l'Assemblée de Requis. Et on a vraiment échappé le CD en cours de route. Ça. Oui. Mais on trouve ça le fun, c'est comme du bonbon pour moi. Du bonbon? Ouais. Du bonbon, besoin de baiser sur play. Du bon beurre. On retient la leçon, Roxane. Du bon beurre. Non, du bon beurre. C'était comme un jeu de mots avec le groupe 1. C'est... Ah! Non? Eh oui, 1. En fait, ben, c'est ça. Le groupe 1, la pièce s'appelle One Way. Et c'est mon frère qui joue là-dedans. T'as l'air fier. Ouais, je suis fier. De ton frère. Je suis fier de mon frère. À Trois-Rivières. T'es-tu trop long de malaise tantôt? Ben, ça commence, là. Je pense que. Okay. Il se répand tranquillement. Hey, Assemblage Requis, c'est une présentation de la Banque Nationale. Et du service aux étudiants de l'UQTR. Et Roxane parle, mais ne dit pas un mot. C'est un secret. Elle rit en silence. Besoin de me le dire, je viens de choisir.

Final Flash et Welcome to the House on Fire au 89 FM, c'est fou. Fais pas des blagues sur ça parce que à la radio des blagues de malaise, tu sais. Oui. Oui. Roxane, Marie-Michel, François-Olivier Marchand, Mathieu Plante. Assemblage requis. Assemblage requis 89 FM. C'est le moment de quoi, Roxane? Ta chronique là, avec des choses là, sur les baleines. Avec des pénis de baleines. Voici, c'est un fait. Elle la trouve drôle. C'était quoi le fait? Tu l'as répété à tous tes clients, t'as dit. C'était quoi le fait déjà? Rappelle pas. La semaine passée? Non. Que les baleines bleues ont le plus gros pénis de tous les animaux sur Terre. 4 mètres? Ouais, 8 pieds, quelque chose. 8 pieds? Plus grand qu'un joueur de basket. Et voilà. On se rappelle tous de ces faits-là. Ben justement, allons-y avec peut-être quelques faits qui vont rester dans votre mémoire, qui vont coller à votre subconscient et plus tard vous y penserez. En faisant des choses. Vas-y, Mathieu, vas-y! Oui! C'est, ouais. En 1916, le réalisateur D.W. Griffith travaillait sur un film. Tu sais, des films dans le temps qui ne parlaient pas. Oui. C'est bon. Son film s'appelait Intolerance, Love's Struggle Throughout the Ages. Et ce gars-là, il a inventé des faux cils. Ça a été inventé par ce réalisateur de film-là, c'est vrai. Il voulait que son personnage féminin principal ait des cils assez longs pour passer sur ses joues quand elle clignait des yeux. C'est des cils très, très longs. Hein? C'est ça. Donc, ces fossiles originaux ont été faits avec des vrais cheveux humains. C'est vrai. Griffith a aussi le crédit parce qu'apparemment qu'il a inventé la phrase « Lights, camera, action », lumière, caméra, action. Wow. C'est lui qui a inventé ça. Il y a une chose qui est plus importante que l'autre. Les cils. C'est évidemment les cils. Les scientifiques ont découvert une espèce de grenouille qui a un nez gonflable. C'est vrai. La grenouille qu'on surnomme Pinocchio, évidemment, a été découverte en 2008 par un groupe de biologistes dans les montagnes Foja d'Indonésie. Apparemment que le long nez de la grenouille se remplit d'air à chaque fois qu'il chante. Que cette grenouille-là chante. La la la. C'est le même effet. La la la. La, la. OK. Un beau moment, ça. Merci. On se questionne souvent à savoir si une tomate, c'est un fruit ou un légume. Hein? C'est un fruit? Oui. Ben, je sais que c'est un fruit, c'est ça l'affaire. Mais c'est passé devant la Cour suprême, ça. Pour vrai? Mais je te jure. Nix. C'est vrai. Nix versus Eden était un cas en 1893 à cause du Tariff Act du 3 mars 1883. Cet acte-là demandait ce qu'il y ait une taxe sur les légumes importés, mais pas sur les fruits. Donc, il a fallu distinguer la catégorie dans laquelle était la tomate. La cour finalement a décidé que ça allait être un légume à cause de son utilisation de tous les jours. Ils ont dit qu'ils devraient classer ça selon l'utilisation que les gens en font et non sa racine botanique technique. Donc, c'est un légume maintenant? Ben, c'est un légume selon ce cas-là de taxe. OK. Mais dans le côté biologique et réel de la chose scientifique et les faits, là, genre un vrai fait, là, c'est un fruit. Wow. Ouais, c'est bizarre. Hein? Saviez-vous qu'environ 1 milliard d'oiseaux meurent chaque année aux États-Unis en se frappant dans une fenêtre? C'est vrai. On estime qu'il y a entre 5 et 20 milliards d'oiseaux au total. Donc, c'est quand même un gros chiffre. Les oiseaux essaient apparemment d'entrer à travers des fenêtres qui font plus de 4 pouces de large par 2 pouces de haut. Donc, ils ont vraiment calculé la grosseur de fenêtre que ça prenait pour qu'un oiseau essaye de rentrer dedans. C'est génial. Je sais pas trop pourquoi. C'est bizarre. Savez-vous que les feuilles de rhubarbe sont empoisonnées? C'est du poison. Ben, pas toutes, là. On en mange, la rhubarbe. Ben, justement, c'est ça. C'est qu'on utilise, certains bouts de la rhubarbe pour faire de la cuisine, pour faire des tartes, etc. Ses racines à la rhubarbe ont aussi. Sa racine à la rhubarbe. Ça va, jusque-là? Oui. Les racines ont des valeurs médicinales. C'est un bon laxatif. Toujours bon à savoir, ça aussi. Mais si tu manges les feuilles. Pourquoi je te regardais? Je sais pas. Je regarde Marie-Michel. Marie-Michel, là. C'est un bon laxatif. La rhubarbe. Bon, donc si tu manges les feuilles, par contre, tu pourrais tomber malade. La rhubarbe pourrait te causer des problèmes de respiration, pourrait te mettre dans le coma, te faire uriner rouge. Ah ben! Aussi, ça pourrait te faire mal aux yeux. Il y a de la diarrhée et puis il y a des pierres sur le... Comment? Foie? Rein? Rein. Pierre au rein. Pierre sur le fouet. Ben, je sais pas. Non. OK, allons-y avec un dernier. Les croquettes de poulet chez McDo, les McCroquettes. Oui. Et les implants mammaires partagent un ingrédient commun. Waouh. Oui, l'ingrédient, c'est le polydiméthylsiloxane, qui est un agent anti-moussage. Genre, ça empêche de faire de la mousse. On peut aussi trouver ça dans du revitalisant pour les cheveux, dans les choses qu'on met autour du bain. Hein. Le silly potty, le genre de la pâte, le genre que les enfants achètent dans des petits pots. Bref. Les McCroquettes, en passant, dans les McDonald's du Royaume-Uni, ne contiennent pas cet ingrédient-là. Par contre, aux États-Unis, c'est qu'elles sont, elles sont garnies, elles sont enveloppées avant d'être cuites, alors que au Royaume-Uni, elles sont cuites avant d'être enveloppées. Et aussi, elles contiennent moins d'huile et de gras au Royaume-Uni, ces McCroquettes-là. Ah ben... Allons manger au Royaume-Uni. Oui. Ça. Ou arrêtons d'aller manger chez McDo. Aussi. En général. Ils sont pas commanditaires ici, ils sont comment, non? Non, mais non. OK, bon. Tu le savais, maintenant, oui. Ami. Maintenant, oui, parce qu'on a parlé d'eux autres. Oui. Faisons-nous poser des seins. En croquette. Laissez-vous aller. C'est-tu ce fait-là que tu vas retenir pour tes clients? Oui. Okay. C'est parfait, ça. Un petit bijou. Tu peux-tu répéter le produit? Né. Négatif. Polydiméthyl siloxane. Je suis obligée, là. Il y a Roxane quasiment dedans. Fait que... Poly. Puis t'es poly. Polydiméthyl siloxane? Ouais. Ben, ouais, ben ça sonnait comme si c'était ça, ouais. Ah, c'est ça, ça, ça avait c'est l'air. Parfait, c'est parfait. Faut juste que tu trompes les gens assez pour qu'ils croient, t'sais. Bon. Ouais. C'était la chronique, c'est un fait pour aujourd'hui. C'est bien, hein? C'est merveilleux, Mathieu. Ta chronique, là, c'est. À chaque fois que tu l'as fait. On tombe à terre. Tu me chavires. Oh, cute. Caline, hein? J'en demandais pas tant. Ah. Bon. Tu parles de ça? C'est plate, votre émission. On parle de ça d'autres choses? Hey, wow, wow. Mais non, c'est pas vrai, là. C'est juste toi qui es plate, c'est faux. Hey, merci. Ben, t'as Mathieu, pas dit que t'es bon. C'est ça, OK. Là, tu l'as dit. Merci. De rien. Il est content, là. Ah oui. C'est clair. Vous êtes à Assemblage Rocky, l'émission matinale en pièces détachées, présentée par la Banque nationale et par le service aux étudiants. Croyez-le ou non avec cette chronique-là. Hein? Mm-hmm. Oui. Oui, on continue ça jusqu'à 9h. Et puis, dans quelques minutes à peine, on va recevoir Audrey Tremblay pour parler du prochain numéro du journal Zone Campus, qui est en kiosque maintenant. Et aussi plus tard, Stéphanie Gagné avec sa chronique sur les sorties spectacles. Et peut-être que Roxane s'en ira. C'est à voir. Jamais. Non. No. Non, mais ça n'ira pas tout de suite parce que de nous présenter la prochaine pièce qu'on va entendre. Oui, effectivement, Mathieu. Je pense que ça va dire excellent. Je voulais pas. Hein? Je sais pas trop ce que j'allais dire. Là, Polly, Roxane. Bref, je trouvais que votre émission manquait de piquant un peu ce matin. Alors, j'ai choisi une pièce remplie de piquant. Il s'agit de Blood on Our Hands. Blood on Our Hands. Papier, panier, piano. De Death From Above. Alors, une excellente pièce que j'adore. Bon. Donc ça, c'est de la musique qu'on va pouvoir retrouver dans votre émission. Oui, oui, oui, oui, oui. Dès demain. 16h. 16h. On se la joue. Soyez là. Oh, shit. Blood on Our Hands Justice Remix de la part de Death From Above 1979. Sur C'est fou. C'est la fin de la première heure d'Assemblage requis. François, on se retrouve avec une deuxième heure tantôt. Juste au retour de l'Info Campus, monsieur. Oui, juste au retour, il va y avoir Audrey Tremblay avec le tour de l'actualité de Zone Campus. Regarde, la voix est juste là, là. Oui. Je pourrais quasiment la toucher, mais je peux pas. Non, je peux pas la toucher. Pas le bras à salon. Mais je sais qu'elle est là, par exemple. Donc, bonne humeur. Oui, et de bonne humeur, malgré tout. L'Info Campus dans quelques secondes et puis on vient après. Elle s'appelle Cocotte. Voici maintenant votre capsule InfoCampus. La 26e édition de la course chiropratique de l'UQTR aura lieu le 26 septembre prochain au Centre de l'activité physique et sportive. Plusieurs catégories vous sont offertes. On écoute Emmanuel Dion à ce sujet. La course chiropratique, c'est une course pour ramasser des fonds pour la Fondation de la recherche en chiropratique et chiropratique sans frontières. Il y a toutes sortes de catégories. Ça va de 0 à 13 ans pour le kilomètre jeunesse jusqu'à 60 ans et plus. Une exposition de poésie est présentée à la Bibliothèque de l'Université du Québec à Trois-Rivières dans le cadre du 26e Festival international de la poésie. Plusieurs œuvres qui se sont vues décerner des prix littéraires y sont montrées. L'exposition est à l'affiche jusqu'au 21 octobre, au deuxième étage de la bibliothèque. Le traditionnel Foam Party du comité Intro Rapide de l'Association des étudiants en loisirs, culture et tourisme aura lieu le 23 septembre à 22h. Magali Julien, responsable des communications, explique. Les gens dansent sous la mousse, t'as de la mousse en masse, tu. Puis on va avoir des DJ. Puis cette année, ce qu'il y a de spécial, c'est qu'on va avoir le groupe Zuruba, qui va être des percussions, qui vont venir faire des moments pendant la soirée, qui vont faire des prestations. Vous pouvez dès maintenant vous procurer des billets à la Chasse-Galerie. C'était votre capsule Info Campus. Bon, retour sur la deuxième heure d'Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées avec François-Olivier Marchand. Et Mathieu Plante. Et vous, les requins. Et vous, les requines. Les requines aussi, faut pas les oublier, les requines et les hermafroquins. Oh! Aussi, j'imagine. Ça se dit-tu? Non. On sait pas. Donc, début de la deuxième heure qui commence à l'instant avec la présence d'Audrey Tremblay qui vient d'arriver en studio, comme si je l'avais pas dit tantôt que j'étais proche de l'esprit. Bon matin. Bon matin, ça va? Ça toujours va très pas? Bien, toi? T'es trop loin. Faudrait que. Okay. OK, attends, on va t'amener officiellement. Tire-les, parce que... tire-les. Comment? Là, je suis assez proche. Oui, là, ça va. T'es bien correct. T'es de où déjà, toi? Attends, le nom me dit quelque chose. Audrey Tremblay, du. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. Tu sais, le système d'alarme, à un moment donné, il faut le tester. Là. Le système d'alarme, il faut le tester, Mathieu. Merci de répéter après moi, François. Je répète toujours après toi. Ben, je vois ça. Zone Campus. Ah. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. Ah non, c'est allé là-dessus un jour? Je suis pas sûr. Pas sûr, non plus. Qui est la prochaine personne qui va s'annoncer pour dire le mot? Peut-être plus tard dans la chronique. Peut-être plus tard dans la chronique. Pour pas être trop redondant. Donc, Audrey Tremblay, qui est la rédactrice en chef de ce merveilleux journal qui est disponible en ce moment, qui vient d'arriver, en fait. Oui. Tout chaud. Ben, il est plus très chaud. Il commence à être tiède un peu, mais... Ouais. Il est chaud, mais là, il est plus chaud, littéralement. Il tiédit. Il tiédit. Donc... Faisons le tour des actualités qu'il y a dans ce journal-là. On commence par la une qui nous annonce une assez importante nouvelle dans le domaine des sports. Oui, les Patriotes, dans le fond, qui ajoutent trois nouvelles équipes à leur ensemble. Leur plateau. Oui, exactement. C'est une équipe de volleyball féminin, une équipe de cross-country et l'équipe de cheerleading qui était déjà là, qui avait déjà commencé à faire son apparition, mais qui est là officiellement... qu'on a annoncé officiellement en même temps que les deux autres équipes. Oui, et le volleyball qui est un retour parce qu'il y avait déjà eu du volleyball féminin il y a quelques années. En actualité, tiens, parlons de l'ASK que leur partie d'intégration a plutôt mal tournée. Oui, en fait, c'est la grosse nouvelle presque en actualité. L'ASK qui a eu des amendes pour avoir fait du grabuge. Dans le fond, l'ASK dit que c'est pas eux, mais c'est quand même eux qui vont payer la note. Ben, c'est pas eux, c'est qui? Ben, on explique dans l'article qu'il y aurait peut-être des intrus qui se seraient infiltrés dans le chalet quand ils sont rentrés à l'intérieur du chalet quand il s'est mis à pleuvoir. À lire! Ça intrigue, tu laisses des suspens un petit peu, c'est le fun. On parle aussi du reste des intégrations qui ont lieu sur le campus, là, qui se sont très bien déroulées. Il n'y a pas eu de débordement sur le campus. Si on continue dans les actualités, on va parler aussi beaucoup des chaires de recherche. On est en début de session, on annonce les budgets pour les recherches. Entre autres, 1 million pour les chaires de recherche sur l'hydrogène. Pour la purification, le transport et le stockage d'hydrogène. On va parler aussi de la Fondation du QTR qui est en campagne de financement. On va expliquer aussi qu'est-ce qu'ils font la Fondation du QTR, parce que c'est pas tout le monde qui connaît dans quelle cause ils s'impliquent. Mm-hmm. Ils font, entre autres, des bourses pour les étudiants. Ils participent aux chaires de recherche, la modernisation des équipements, notamment à la bibliothèque. Puis ils vont probablement s'impliquer dans un futur pavillon étudiant. Qu'on attend. Exactement. Oui. On parle du Centre en français qui vient de voir le jour avec le Bureau de la réussite étudiante pour aider les étudiants en rédaction en français. Puis c'est un programme d'aide aux étudiants par les étudiants. Qu'on va choisir parmi les étudiants du QTR des bons étudiants en français qui veulent s'impliquer, qui vont aider les autres étudiants. Et c'est pas mal ce qui fait le tour des actualités. Mm-hmm. On a une section société, comme toujours, avec une chronique par Sophia Tourigny. Oui. Sur la musique légale et gratuite. Oui, exactement. Elle va parler de la musique libre de droit. Et je crois qu'elle va en parler aussi dans son émission qui s'en débute vient. Très bientôt, en effet. Mais c'est assez fou. Oui. On a Est-ce que ça débute cette semaine, le savez-vous? Mm-hmm. Bonne question. C'est bientôt, bonne en tout cas. Bonne question. Bref, on en reparlera demain à Assemblage requis. Et voilà, bien dit. On a le Fantasque aussi qui parle de la commission Bastarache avec une belle caricature de M. Jean Charest. Oui, il y a du talent, Hubert Samson, en dessin. Vraiment. Oui, c'est vraiment très beau. Et hein? En écriture aussi. On parle des activités à venir dans la vie étudiante. Des activités, beaucoup d'activités qui s'en viennent. Mm-hmm. La course chiropratique, la lutte qui va jouer son premier match après le camp de recrutement. La semaine prochaine, je crois, le premier match de la lutte. OK. L'Assemblée générale de l'AGEQTA qui va avoir lieu le 6 octobre au 10-12. Le Foam Party, comme on l'a entendu Évidemment. Dans les infos campus. On a des photos des intégrations qui sont déroulées sur le campus. Le stationnement viré un peu à l'envers. Oui, c'est ça. C'est... Ouais. Du spectacle d'Éric Masson qui a eu lieu lundi passé à la Chasse-Galerie. Mm-hmm. Une question Vox Pop, évidemment. Oui, on vous a demandé qu'est-ce que vous pensiez des nouvelles voies de circulation sur le campus de l'UQTR. Ça fait jaser pas mal tout le monde, ça, en ce moment. Oui, effectivement. Surtout ceux qui arrivent en retard à leur cours. ça vous apprendra, hein. Art et spectacle, maintenant. Art et spectacle, on va parler du spectacle de David Goudreau et Mohamed qui va avoir lieu au Gambrinus le 21 septembre, demain soir. Ça, c'est slam poésie, là. Oui, exactement. On va avoir aussi l'ouverture de Borealis que Mélissa Beaupré a eu la chance d'aller voir en grande première pour les médias. Je pense qu'elle aimait ça. J'ai pas eu le temps d'aller voir encore, là, mais c'est un très, très bel article, Alice. Ça va vous donner le goût d'aller le voir. On parle aussi de la première de Centre Choc qui a lieu à la galerie R3, juste ici dans le pavillon Néré-Beauchemin. C'est très beau, ça. Une magnifique photo, oui. Mm-hmm. Oui. Allez voir ça, c'est en page 9. Oui. En couleur. Oui. Journal Zone Campus. Oh, il a pas catché. Non, non, il suit pas pendant trop tard. Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. Non, c'est ça, j'étais pas là pour entendre. Non. Alors, si on continue en art et spectacle, on parle du nouveau lancement du site Internet de la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières qui a mis toutes les salles de spectacle ou à peu près ensemble, qui facilite l'achat de billets pour aller voir les dates de spectacle. Puis tout ça. C'est vraiment intéressant. Le site Internet est très bien fait. On parle également de la 43e saison de Ciné Campus qui s'amorce sur le campus, oui. On parle du nouveau CD d'Alexandre Béliard. Oui, Alexandre Béliard qui va être au Palmarès C'est fou cette semaine, jeudi, oui. Dans les Palmarès. Ouais. On va parler des 40 meilleures photos de presse qui ont lieu dans une exposition au Centre Pauline Julien, qui est très, très intéressante. Au sport! Ensuite, au sport, on parle d'Alexandre Demers, de la blessure qu'avait capitaine des Patriotes hockey. En fait, co-capitaine, parce qu'ils sont deux capitaines et je crois que ça va être encore comme ça cette année. On parle de sa blessure qui revient, une blessure au genou. Alors, on fait le tour de la question. On parle des nouveaux nageurs de l'équipe de natation qui va commencer à s'entraîner bientôt. Audrey-Anne Comeau en golf, qui va parler de ce qu'elle entrevoit de sa saison et aussi de la fiche publicitaire qui la concerne en golf. Jean-Christophe Blanchard au hockey, qui a fait le camp de développement du Canadien. Puis, on va parler des fins de semaine qui ont été difficiles au soccer, tant féminin que masculin. Wow! C'est beaucoup de nouvelles dans un beau petit journal si joli, si attrayant et si délicieux, c'est vrai. Mm-hmm. L'encre tâche moins les doigts. C'est ainsi, je trouve que c'est quand même pas pire. C'est de la... Donc, Audrey Tremblay, rédactrice en chef du... Zone Campus. Ah! Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, parce que ça vous concerne. Bon, on a épuisé le gag jusqu'à la fin. Merci, Audrey. Ça fait plaisir. On se retrouve dans deux semaines ici à Assemblage Requis pour un autre survol. Exactement. Et procurez-vous Zone Campus en kiosque partout sur le campus du QTR, vous l'avez entendu, et dans d'autres points de chute. Oui, exactement. Même à l'extérieur un peu du campus, on peut le retrouver. Et en ligne sur le zonecampus.ca. Exactement. Aussi. Voilà donc pour ça, vous êtes à Assemblage Requis. Dans quelques minutes, on va recevoir notre bonne amie Stéphanie Gagné pour son sa chronique sur les sorties spectacles qui ont lieu à Trois-Rivières cette semaine. Mais pour l'instant, on va l'entendre un petit peu de Mister Valère. On les adore, on les aime. On va entendre la pièce qui est sur le palmarès. Voici tout de suite, c'est Brandon Marlowe. J'étais proche de... C'est Brandon Marlowe. Je sais. I know it! Stop telling me, I know it! Easy. Archambault, au lieu de découverte culturelle avec ses 15 magasins et son site archambault.ca. Visitez notre magasin au 2940 boulevard des Récollets et découvrez-y musique, lecture, vidéo, jeux vidéo, instruments, partitions, jeux, jouets et articles cadeaux. De plus, sur présentation de votre carte étudiante, profitez d'un rabais de 15% sur les livres à prix régulier. Surveillez chaque semaine les prix imbattables sur les nouveautés lecture et profitez du mardi au jeudi des prix choc sur les nouveautés musique et vidéo. Archambault et archambault.ca, la culture du divertissement. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts. Ateliers d'aide aux études, services d'orientation et de psychologie, également des services tels le logement, la mobilité étudiante, sans oublier le service de prêt et bourse, ainsi que la présence d'une infirmière et d'un médecin. Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Venez nous rencontrer au 1275 pavillon Albert-Dessier de l'UQTR. Le service aux étudiants, pour vous, avec vous. Jusqu'à 9h, vous écoutez Assemblage requis avec François Olivier et Mathieu Plante sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Mais quelle belle voix! Tellement séduisante! Wow. Toujours Assemblage requis. Bonjour! Hey, 8h16 minutes. Je crois que c'est la chronique. Stéphanie Gagné! Stéphanie Gagné! Et oui, c'est le moment de parler des sorties spectacles de la semaine avec Stéphanie Gagné qui est avec nous en studio. Bonjour à toi. Bonjour. Ça va? Pas pire, pas pire. Jolie coupe de cheveux. Merci. Félicitations. Et puis aussi, accessoirement, bonne fête. Ah, merci. Ah, je pensais que tout le monde l'avait oublié. Ah non, mais c'est ça que... Tu m'écrivais sur la fête. Ouais, non, mais oui. Mais... Entre autres. Je voulais que tu fasses jouer un petit bonne fête ou chanter en chœur, mais... Ah, OK, attends. Non, ça va aller. On peut recommencer. Non, c'est correct. Bonne fête. Oh. La, la, la. La, la, la. La, la, la. Hey. Hey. Merci, c'était très beau. Merci. 18 ans aujourd'hui. Marche la merde. Non, quel âge, pour vrai? 22 ans. Toute jeune encore. Toute jeune. Tu demandes ça à une fille en onde, toi, merde. Ça ne l'arrange pas particulièrement. Elle est toute jeune. Quand je veux l'avoir 52, demande-moi le bas, par exemple. À 52, je vais me mettre à radoter. Tu radotes déjà, François. Ah, merci. Bon, c'est ça qui est ça. Donc voilà, bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Ben oui, vraiment. C'est un événement dans les spectacles de cette semaine. Ma fête, tu sais. Ben oui. Hein? Non, pour parler des spectacles, ce soir, il y a Pac et Eddie qui vont être au divan orange. Demain, ça fait longtemps que beaucoup de monde en parle. M.I.A. qui va être au Metropolis, est en tournée nord-américaine jusqu'à la mi-octobre. Ensuite, le 22, Seawolf qui va être au Il Motor. Après ça, ils partent aux États-Unis pour environ 3 semaines. C'est super chargé. Ils font quasiment un spectacle par jour. Ensuite, vous en avez parlé tantôt, le 23, Alexandre Deliard qui va être au Zenob et qu'on va aussi avoir au Palmarès. Oui, en entrevue, tout à fait. Et le 24, Antiflag et Vulgaire Machin qui vont être au studio juste pour rire. Et côté Mauricie, il y a Elissa Pierre Isaac qui va être au Centre des Arts de Shawinigan. Shawinigan! Comme ça, c'est ça. Le 25, Klaxons qui va être au Cabaret juste pour rire. Winter Gloves qui vont être au Il Motor. J'ai vraiment le goût d'y aller. Spectacle mais de 20 minutes? Genre! J'aurais aimé ça y aller, mais je peux pas. Dans le fond, c'est ça, Winter Gloves. Après ça, eux autres aussi, ils vont partir aux États-Unis avec Born Ruffians. Ils retournent en tournée canadienne vers la fin octobre jusqu'à la fin de novembre. Le 25 aussi, Antiflag et Vulgaire Machin, encore une fois, mais cette fois-ci, ils vont être du côté de l'Impérial. À Québec. Ouais, c'est ça qui est ça. Qu'est-ce ouais. Je dis à Québec. À Québec. À Québec. À Québec. Oui. On va entendre du M.I.A. pour... Oui. Se mettre dedans pour le spectacle. Se mettre dedans pour le spectacle de demain. On va écouter la pièce Bucky Done Gun. Ah, c'est fou, 89 FM, c'est Assemblage Rocky, toujours dans la chronique sans nom. They're coming through the window, they're coming through the door, they're busting down, sugar so marié avec Bucky Dunn Gunn. Bucky Dunn Gunn. Bucky Dunn Gunn. Ah, je suis encore là, c'est encore ma chronique. Ben oui, okay. On t'a pas encore dit au revoir. Là. Au revoir? Ben je pars pas, je reste avec vous jusqu'à... Ah, faudrait peut-être pas, je suis dans le parking 15 minutes. Oh oh oh. Tu sais comment ils sont sévères là-dessus? Dieu sait qu'ils sont rapides en plus. C'est ça. Sévère et rapide, deux qualificatifs. Sauf pour les motos. Sauf pour les motos peut-être. Bref, tu iras, mais tu reviendras, puis quand tu veux. OK? OK. Stéphanie Gagné, merci, bonne fête encore. Hey, merci, oui, bonne fête encore. Bonne fête! Bonne fête! Non, Mathieu, chante pas. Chante! Non. Oui. T'es pas fait pour ça, Mathieu. Oh que non. Vraiment pas. Je serai pas dans Glee. Non. T'as fini la saison 1 au complet, sérieux? Hey, faut arrêter de parler de Glee en ondes, on parle tout le temps de ça. Ben, on c'est aime super ça. Quétaine, super c'est quiche. C'est pas quétaine. On chante du Madonna, là. Ouais, bon, ok, je sais bien, hein. Mais il y a des bonnes affaires aussi là-dedans, là. Quoi? Céline? Non, non, il y avait... Dans l'épisode que j'ai vu hier, il y a une toune qui était quand même assez classic rock. Il y a un petit peu de classic rock là-dedans. Ben oui, il y a genre, wow, Kanye West, gros aussi, rock. Aussi, aussi. Non, non, mais là. Nickelback? Quasiment. Hey, il y avait Too Sir with Love. Je chantais ça dans le chorale de mon école, ça. Comment? Ah non, c'est dans le dernier épisode. Chante, il chante. Ah, non, non. Là, là, là, là, là, là. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il chante Too Sir with Love. Bon. J'avais chanté ça au directeur quand il a pris sa retraite. Tu intéressant, hein? Tu l'aimais, ton directeur? Non, mais c'était pas mon choix, c'était le choix de celle qui s'occupait de la chorale. Tu sais? C'était qui? Cela étant dit, vous êtes à Assemblage Requis, c'est l'émission matinale en pièces détachées avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. Stéphanie Gagné, comme on disait, reste avec nous. Il y a Roxane Gagnon, Trédignon Slajou, qui est avec nous aussi. Fidèle au poste. Jusqu'à tantôt, oui, comme Éric Salvaille. Pareil. Pareil comme Éric Salvaille. Pardon, Éric. Excuse-moi. On sait qu'il nous écoute tous les matins. C'est bien avec nous autres. Oui, et voilà. Avec moi. Avec toi. Wow! Wow! On va l'entendre un petit peu de Dumas avec Au gré des saisons tout de suite. Et puis après ça, un choix de Roxane, oui. Du bon vieux Yeah Yeah Yeahs avec Gold Lion. We'll be right back.

to nothingness, enjoy it, just might be right. But prepare yourself for a mechanical fry. This is a warning, I spell it out for you. This is a warning, I spell it out for you. For you. Hardship will break your legs, snap off your hair. Hardship will put you down, under the ground. Hardship will break your legs, snap off your hair. A silence be spoken. Hardship will break your legs, snap off your head. Hardship will put you down, under the ground. Hardship will break your legs, snap off your head. Hardship will put you down. Quoi? What? Hein? Oui! Hein? Coucou! Il est 8h41 minutes! C'était Hot Chip avec The Warning, choix de Roxane Gagnon, se la joue. Ah, il y a juste moi qui choisis de la musique dans cette émission-là. Ah, on te laisse la place, la liberté d'entendre. J'aime ça, faire ça. C'est ça, c'est fou. On laisse la liberté aux gens. Et voilà, c'est bien dit, ça. J'adore ça. Pas de baillon. Pas de baillon. Il y a des baillements, mais il n'y a pas de baillon. Il y a des longueurs aussi. Il y a des moments inconfortables. Et ça, c'en est un. parlons de choses geek. Tu connais pas ça encore, Roxane, hein? Les choses geek? Les choses geek. The Big Bang Theory, ça compte-tu? Hey, c'est bon, t'écoutes ça? Oui! C'était écœurant. J'étais en amour avec Sheldon. Oh, cute. Je suis pas rendu si loin que ça, j'ai juste deux saisons de vue. Mais Sheldon, tu sais c'est qui? Moi, je sais qui, mais c'est parce qu'il se passe des affaires. Je sais qu'est-ce qui se passe. Okay. C'est ça, François, quand tu vas sur Internet, des fois, vous allez peut-être sur Internet, puis là, vous avez pas fini de regarder une saison d'une série, puis là, vous voyez quelque chose que vous voulez pas voir, là, un spoiler. Là. Oh! Et, oh, pas le fun, ça. Hein? Pas le fun, pas non. C'est comme Gossip Girl, l'autre jour, quand je t'ai dit un punch, puis t'étais fâché. J'étais fâché pour Gossip Girl parce que je regarderais jamais ça, là. Ah, c'était peut-être faux de bord. J'avoue qu'on se fait. Mais ça, c'est sûrement faux. Alors, pour vrai, j'ai jamais écouté ça. Ok, c'est une niaiserie. Ok, Chronique Geek, CNX. Tout de suite. Attention, roulette! Surprise par la roulette? Oui! Autour du net! Aujourd'hui, dans la chronique CNX, on parle de choses qui sont passées sur Internet, sur les différents Internet, quoi qu'il y a sur l'autoroute de l'information, etc. Là, les modems, là, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip, bip. Commençons avec, vous êtes tous au courant, j'en ai parlé récemment dans la chronique CNX, la mode du Google Instant et de toutes les autres affaires qui sont instantanées. Tu commences à taper quelque chose et ça te donne des résultats instantanément. Comme YouTube. Oui, il y avait YouTube Instant, exactement. Tu m'écoutes, c'est bien. Oui, non, mais j'avais été voir le site en direct. Ouais. T'as connu quoi? C'est cool, hein? Ouais, ben c'est cool. Ça donne pas... Pour 2-3 minutes, là, ouais. Ouais, c'est ça. Je passerai pas ma vie sur ce site-là, là, mais... Celui-là, c'est yt-instant.com où tu tapes n'importe quelle lettre, un mot, et là, il va te jouer un différent vidéo. À chaque fois, tu vas jouer une lettre, que tu vas ajouter une lettre. Ouais. C'est comme le premier résultat d'une recherche. Ici, c'est blank.com, B-L-3-N-K. C'est comme blank, mais avec un E, mais à l'envers, fait que c'est un 3, c'est blank.com, hein, yeah. C'est Instant Everything, leur petit slogan. Donc, si, mettons, j'arrive sur la page d'accueil, il n'y a rien à part la barre de recherche. Là, je tape, mettons, assemblage. Et là, là, les résultats apparaissent. Et là, tu as des résultats de ask.com. Ask.com. T'as news, t'as des vidéos, des affaires Twitter, Google Maps, des résultats du web. Tout ça apparaît dans la même fenêtre, dans une espèce de charivari pizza, Guy Mongrain de whatever. C'est pas la fin. Tu peux aussi enlever, tu peux mettre le Safe Search qui est à on par défaut. Tu peux le mettre à modéré et à off, donc tu pourras avoir des résultats un petit peu plus, comment dire? Décent. Décent ou moins décent. Oui. On pourrait inventer un mot comme indécent, hein? Oui. Je pense qu'il existe déjà, mais bon. Oui. C'est blank.com, BL3NK.com. Un autre dans le même genre, c'est yabigo.com, YABIGO.com. C'est Yahoo, Bing et Google en même temps. Yahoo, Bing, Google, Yabigo. Compréhensible? Donc, tu tapes là-dedans, mettons assemblage requis. En passant, c'est un bêta, donc il pourrait y avoir des erreurs. Je tape assemblagerequis.com et là, on me donne trois colonnes, une IA, une B puis une Go. Ça fait bizarre de même. Hein? Yabigo pour les résultats de chacun de ces engins de recherche-là. Et le look est très, très Google, mais avec des couleurs à la Bing et Yahoo. C'est bien fait. Il y a des beaux petits icônes à côté de chaque affaire, chaque résultat. C'est joli, yabigo.com. Maintenant, vous avez peut-être vu, il y a quelques mois, semaines, tout le monde parlait de ça sur Internet, le Bell Intruder. Il y avait une entrevue à la télé où un gars violait des gens dans un village. Et puis, bien, il y avait un gars, Antoine Dodson, qui était passé en entrevue. Puis, il avait fait un drôle de témoignage. Et puis, ça a été remixé. Puis, là, ça a comme fait fureur virale sur les YouTube. Là il y avait un remix électronique. Non, dis non, c'est correct. Non. Il y a quelque chose qui ressemble à ça. Et là, c'est rendu la nouvelle mode de prendre un clip d'un soit un Vox Pop. Ou de reportage télé, tu sais, bidon, là, genre à la TVA quand ils demandent aux gens, là, genre, t'attendais-tu à ce qu'un gars se fasse tuer? Ben non, là, tu sais, ben, genre, peut-être des affaires niaiseuses demain. Bon, oh, le prix du gaz, tu sais. Bon. Ils prennent des clips de ça et puis les remixent en façon très, très électronique, très, très jolie. Et puis le plus récent, c'est le Dude, You Have No Koran, avec l'affaire de brûlage de Koran, là. C'est l'affaire de brûlage de Coran. Oui, oui, oui. Ouais. Non, pas brûlé, finalement. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y avait eu un reportage là-dessus, puis le gars avait l'air fou. A planned public burning of the Quran did not take place today in an Amarillo City park. Snuck up behind him and took his Quran. He said something about burning the Quran. I was like, dude, you have no Quran, and ran off. Snuck up behind him and took his Quran. Oh, yeah. Snuck up behind him and took his Quran. Dude, have no Quran. C'est hot quand même. C'est pas pire. Et ça, c'est pas les Gregory Brothers. Les Gregory Brothers qui sont connus pour la chanson Bell Intruder dont je parlais tantôt. Et pour Double Rainbow, il y avait un gars qui avait vu deux arcs-en-ciel. Ça, vous avez pas vu celui-là non plus? Impossible. Non. Il avait comme l'air drogué. De quoi impossible? J'en ai vu une cet été. Deux lutins avec de l'or au bout. Et une boîte de céréales. Oui. Pourquoi tu dis que c'était impossible deux arcs-en-ciel? Non, je dis n'importe quoi. Ok, je pensais que c'était... Ça arrive. Bref, c'est le problème personnel, moi, parce que j'en ai vu deux arcs-en-ciel. Sérieux? Oui. Acheter des drogués ou... Non, je m'en ai joué à balle. OK. C'est que ça compte pas. Non. C'est pas ça. Bon à balle. Okay. Donc, c'est la nouvelle mode, ça, de remixer des reportages télé. On devrait essayer des affaires de TVA. Ça pourrait... Tu sais, comme le gars qui a trouvé une mouche dans sa beigne. Ça ferait vraiment... Ou le gars qui avait un chat à l'île Saint-Quentin. C'était très drôle. C'est ça. Ça pourrait faire des beaux remixes, ça, je trouve. C'est sûr. Ouais. Prochaine affaire, c'est Meat Eater, qui est vraiment cool. C'est facebook.com/MeatEater, M-E-E-T, Eater. facebook.com/MeatEater. C'est une plante qui se fait seulement nourrir lorsque les gens deviennent amis avec elle sur Facebook, postent sur son mur ou encore visitent son adresse. Ça fait partie d'un projet de l'Université de Queensland. C'est un étudiant là-bas, Bashkim Isai. La plante est arrangée et branchée à un système qui lui verse de l'eau après avoir eu un contact physique ou interactif sur un genre de média social. Peu importe qu'est-ce que c'est, Twitter, Facebook, n'importe quoi. Bon, là, pour l'instant, c'est Facebook. Sa vie à la plante dépend vraiment de l'attention qu'elle reçoit de ses amis. Et il y a même une caméra en direct dans l'article, si vous cliquez sur Live Camera Feed, pour que les gens voient ce que la plante fabrique en temps réel. C'est vraiment très, très bien. Selon la page Facebook, le projet veut rétablir la connexion entre les êtres humains et les plantes en donnant à la plante une personnalité Internet. Et donc, pour ça, par rapport à ça, c'est un succès. Voilà. Au-dessus de 7000 fans au moment de l'article, je vais aller voir. Est-ce que tu es dessus en ce moment? Oui, oui. Deviens ami, je vais faire like moi aussi. On va voir. 8238 avec moi. 8238 personnes aiment Meat Eater. Elle a 91 jours. Et puis, comme c'est ça, plus de 8000 fans, c'est quand même pas si pire, ça augmente. Et puis, il y a eu un problème avec la plante. Au début, il y avait tellement de gens qui devenaient amis avec qu'elle s'est noyée. Oh. La plante. C'est pas bon ça, noyer une plante? Non. Bref, ils ont arrangé ça pour qu'il y ait moins d'eau à chaque fois mais c'est pour qu'ils puissent savoir. Une goutte peut-être, là. C'est ça. Et voilà. MeatEater, facebook.com/MEET, Eater, E-A-T-E-R. T'es un animal de compagnie en time-lapse. C'est une autre mode sur Internet en ce moment. C'est selon hurlest.com qu'on retrouve cet article-là rempli de vidéos où on voit, par exemple, un rat à travers une journée, une période de, mettons, je sais pas si ça c'est 24 heures ou 12 heures, et on accélère la vidéo, comme on connaît le time-lapse, qu'est-ce que c'est ça, c'est une longue période de temps rétrécie en beaucoup plus petit, très rapide, donc on le voit dormir, déplacer des affaires. Il y a un chien aussi, qu'est-ce qu'il y a d'autre, un petit cochon dans une cage, plein d'affaires comme ça sur assemblagerequis.com. T'as peut-être pas encore vu la vidéo de Pen Story qui va faire le tour de vlog et des autres émissions très bientôt. C'est pas déjà fait. Pen Story sur YouTube. Cherchez The Pen Story ou sur assemblagerequis.com, évidemment. Ça ressemble à celle qu'on avait vue il y a quelques années de ça, où c'était l'histoire d'un genre de cochon. Là. C'était comme des photos qui s'empilaient une par-dessus l'autre. Derrière, il y avait un beau décor, puis les photos s'ajoutaient une par-dessus l'autre, puis il y avait une petite musique en arrière. C'est le même genre, c'était de la même inspiration. C'est en stop motion. Ils ont filmé, pris en photo, 60 000 images. Ils ont développé 9600 photos imprimées. Ils ont refait ensuite 1800 autres photos. Aucune post-production, donc c'est complètement du stop motion. Une photo ajoutée, on prend la photo. Une photo ajoutée, on prend, tu sais, avec une caméra, non? Vous connaissez le stop motion, là, quand je traiterai pas comme du monde. Bref, c'est super le fun, c'est super beau, la musique est très très bonne. Allez voir ça, je crois. Est-ce que j'avais préparé l'extrait? Oui, je l'ai ici même, The Pen Story. C'est très joli. Be just who you wanna be, my friend. You just gotta trust and faith. Do the things you wanna do, 'cause life don't wait. The Pen Story sur assemblagerequis.com, c'est très très joli, très cute. Un des sites que j'ai vraiment aimé cette semaine, c'est anti-duckface ou anti-duckface.com. Et là, vous allez tous adorer ça parce que vous avez tous des amis sur Facebook qui postent des photos d'eux en faisant une belle petite moue. Une petite moue de canard. Dans un miroir. Ouais, ou encore dans un miroir. Ou les deux ensemble. C'est vraiment beau. Donc, sur antidogface.com, on nous montre... Vraiment, c'est seulement un blog de gens qui font des faces de pétasses de même. Sérieux, t'sais. Non, mais sérieux. Allez voir ça. Il y a des vidéos, il y a des montages de photos, des slideshows de gens qui font une face de canard, littéralement. Et même peut-être des fois des petits signes. Des petits... Oh, yeah. Oh. En tout cas, paix. C'est ça, paix. Paix dans le miroir. Ça, c'est... Ouais. Ou dans, vraiment, dans la salle de bain, on voit la tuile et on voit la poitrine aussi. La fille sur cela. Assemblagerequis.com est le lien. J'espère que vous avez vu cette semaine. On va terminer avec ça parce que ça commence à être long. Mais vous avez peut-être vu cette vidéo-là d'un groupe de gars, trois gars, qui chantent une chanson vraiment super mauvaise. J'ai pas l'extrait avec moi en ce moment même, mais c'est les trois gars qui ont l'air super geek nerd et puis qui chantent une chanson à une fille ou quelque chose du genre. Faudrait que tu chantes. Non, c'est ça. Pas tant que ça. Je sais pas c'est quoi. Ah, attends, je pense que je vais même la chercher pour vous parce que ça vaut la peine de l'entendre. C'est une fille inoubliable et j'ai trouvé une vidéo qui ressemble un petit peu à ça. Je sais pas si c'est en russe ou en quoi. Une fille inoubliable. Ah, ben oui, Colin. On peut pas ne pas l'écouter, au pire, tu sais. Au pire. On va avancer un petit peu. Alright. Je comptais pas le faire jouer parce que ça va. C'est sûr que vous allez le recevoir dans le Facebook. Ça me fait plaisir. Faut croire que je te plais pas, parce que tu me rappelles même pas. Je plais à personne, quoi. Peut-être parce que je suis pas gars pour toi. Je n'oublierai jamais le premier jour. Il est sur le beat, hein? J'ai tenté de te faire la cour. Ça avait l'air de t'avoir touché. Mais c'est aujourd'hui que j'ai réalisé que je m'étais planté et que j'aurais jamais dû te parler. Wow! Je sais que ça ne vaut pas la peine. J'ai même pas envie de l'arrêter, Thomas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis en train de perdre la face. Faut croire que c'est ça l'amour. On le vit autrement, chacun son tour. Ok. Faut ouais. croire que je te plais pas. Parce que tu me rends. Ça, là, c'est le meilleur. Chaque chose. Une bouche de camard, c'est ça. Oui. En tout cas, une fille inoubliable sur YouTube, tapez ça, ça se cherche très très bien. Mais la raison que je voulais en parler, c'est qu'il y a une autre vidéo dans le même genre. Ça avait l'air de t'avoir. On peut même te dire au revoir, toi, directement. Ah. Ça va être beaucoup mieux comme ça. C'est ça. C'est une vidéo sur YouTube, encore une fois. Là, je n'essaierai pas de prononcer cette phrase-là parce que c'est des caractères que je ne connais pas. Mais écoutons quand même. Je vais vous expliquer le décor aussi. Il y a des étoiles en arrière, là. Un fond noir avec des étoiles. Et quatre gars habillés très, très jolis. Ça, c'est bon? À date, ouais. Là, à date, tout ce qu'ils font, c'est se taper sur la jambe avec leurs mains. C'est pertinent à mort à la radio, donc c'est allez bon. Voir assemblagerequis.com pour ce hit. Et cherchez vraiment une fille inoubliable, ça nous amène. Ça, c'est sur YouTube. Hein? C'est sur YouTube. YouTube. Ouais. Et puis, on termine avec, avec une vidéo encore une fois sur YouTube, mais cette fois-ci, je vous l'explique plus en détail. C'est quelqu'un qui a pris Google Earth et qui a fait afficher les satellites sur Google Earth. Et là, on nous montre qu'il y a 12 997 satellites dans le ciel autour de la Terre. Et là, on peut zoomer dessus dans cette vidéo. Bon, enfin, on peut pas zoomer nous-mêmes, mais la vidéo zoome dessus. Donc, on voit des satellites pour la réception de téléphones cellulaires, télésatellites, GPS, milliards d'autres affaires qui sont comme ça autour de la Terre. Allez voir assemblagerequis.com pour le lien. Et c'est ce qui fait le tour de la chronique Cénix pour aujourd'hui. Hein, c'est... Merci Mathieu. Arrête-moi ça, là. Je suis capable. T'as mieux que je revienne à l'autre? Oui. Je peux faire ça, sinon c'est ça. Ça, c'est une fille inoubliable. Ça, c'est une fille inoubliable. Ouais. On a parlé, pas le choix, t'sais. C'est tellement bon. Hey, il est beau, en plus. Hein. Je vais saigner des oreilles. Je le vois, là. Mais c'est ça, tout le monde dans les commentaires arrête pas de dire que c'est un fake. Je pense que ça pourrait facilement être un fake, mais peut-être qu'on saura jamais. Si il c'est, l'a écrit c'est pour sûr, moi, c'est là. C'est sûr pas que un c'est fake. Un fake. Mais non. Parce que c'est trop ridicule, tu sais. Faut croire que je te plais pas. Ah oui, c'est parce sûr. Que tu me rappelles même pas. Je plais à personne, quoi. Peut-être parce que je suis un gars pour toi. Je n'oublierai jamais le premier jour où j'ai tenté de te faire la cour. Ça avait l'air de t'avoir touché. On dirait qu'ils ont vraiment choisi les plus beaux jeunes hommes qu'ils ont trouvé. Des beaux modèles. Le premier était pas si pire. Non. Ou le, ben, non, le deuxième, ben, pas ça, lui. Ça, c'est pas lui. Oh. Vous le voyez je pas, sais, mais le deuxième. Franchement, ouais. Ah, la radio. C'est un beau média. Je suis en train de perdre la place. Faut croire que c'est ça l'amour. On le vit autrement, chacun son tour. Faut croire que je te plais pas. Parce que tu me rappelles même pas. Tu plais à personne ou quoi. Peut-être parce que je suis un gars pour toi. Je n'oublierai jamais le premier jour où j'ai tenté de te faire. On se quitte avec une pièce de Amberlin et Godspeed. On se retrouve demain dès 7h à Assemblage Requis. Soyez-y. Bye bye. Ah, merci. Oui, merci à tout le monde qui a participé à l'émission, évidemment, aujourd'hui. C'est super gentil. Stéphanie Gagné, Roxane Gagnon, Marie-Michel. C'est quoi son nom de famille? Dupuis. Mamiche. Mimiel. Et à demain, on va avoir Maxime Lemularamé, Émilie Gauthier et le retour de Stéphanie Gagné avec ton plafond. Bye. You got